sens jamais aussi seul que quand la fête bat son plein. Pour séduire les filles, tout peut marcher sauf être un garçon bien. Évidemment, évidemment, me fait l'effet d'un vide en moi. Suffisamment que mes envies démentent des vies vers les filles d'avant. Je vois se succéder les fleurs. Cette fille que j'embrasse a du noir sur la joue. Elle m'a dit c'est pas ce que tu crois, c'est à cause du froid. Mais j'ai su que c'était les fleurs. Je n'étais pas investi, donc efface tes larmes. On était tous les deux paumés, tu m'avais dans la peau, mais je ne faisais que les pleurer de la peau. Mais mes désirs m'ont dévasté l'âme. J'ai déjà connu les débuts d'un amour péril. Je n'avais pas l'intention de te mettre la bague au doigt. De toute façon, je connais pas d'autres mecs, y'a pas que toi. Tu me fais du bien quand tu mets mon amour péril. On se voyait que pour coucher et pour rouler de la beuh. Donc si t'as souffert avec moi, c'est que tu le voulais un peu. Une autre a de l'amour pour deux, je fais pas d'efforts. Elle se répète à tout, même à se tatouer la tête de Marine Le Pen sur les fesses pour que je lui passe très fort. Elle m'a dit Ken, je rêverai d'être ta chienne. Je l'ai menotté de manière détachée. Elle m'appelle au téléphone et me dit viens me peloter. Je lui dis garde tes talons mais ta robe tu peux noter. Il est déjà tard, toi je décale du bel hôtel. Toujours le même schéma. Désir, pulsion, désillusion. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Avoir des ennuis de garçon se transformer en jeu. L'attente des relations qui ne me mènent nulle part. J'ai beau chercher la solution dans l'illusion de la séduction. J'ai l'impression de n'avoir connu qu'une femme. Je connais les risques de l'amour, mais j'ai toujours l'amour du risque. Visible, visible. Je connais les risques de l'amour, mais j'ai toujours l'amour du risque. Visible, visible. Je ne ressens plus rien parce qu'elles attendent que je tende mon piège. J'ai tant de mal à prendre mon pied. Je suis pas bien dans mes baskets. L'autre jour j'ai revu mon ex pour le sexe, on a déconné. Monté de colère quand elle m'a dit que son nouveau mec l'avait cogné. Alors j'ai appelé ce fils de pute, j'ai tapé ce fils de pute. Mais après quelques disputes, elle a rappelé ce fils de pute. Ah, phénomène anormal, l'amour, le sérum et le venin, vu qu'on aime avoir mal. Quant à elle, elle est mortelle. Dans mon cœur, c'est le déferlement. Elle ne me donne pas trop de nouvelles. Alors c'est dur de faire le mort. Y'a que quand elle a bu des cocktails qu'elle m'appelle. Du genre, t'es là, dîner aux chandelles. Elle m'attend déjà au téléphone. Ganja calé dans le port jartel. Elle aime rouler des joints fins, c'est presque des vogues. Je lui ai dit que t'es belle en pensant qu'est-ce que t'es pas. Avoir des ennuis de garçon, c'est transformé en jeu lassant. Des relations qui ne me mènent nulle part. Chercher la solution dans l'illusion de la séduction. J'ai l'impression de n'avoir connu qu'une femme. Je connais les risques de l'amour, mais j'ai toujours l'amour du risque. Visible, visible. Je connais les risques de l'amour, mais j'ai toujours l'amour du risque. Visible, visible. Vous prenez mes pensées pour cible. La première fois que je vous vois, car vous pouvez être mille personnes possibles. Seras-tu quand le mystère du jeu se sera-tu? Ce sera-tu de m'aimer après ces ratures? Ce sera dur. Cette histoire c'est la nôtre. Faut pas qu'on se vautre. Car quand deux cœurs se nouent, on se voue à l'autre. On aime s'aventurer. On pense que ça va durer. Au début ça vend du rêve, mais seules les femmes savent durer. Et chaque fois que ça compte, je n'arrive pas à être moi-même. D'où vient ce besoin de vouloir tout cacher? Aucune fille ne comptait plus, j'étais en posé toi. T'étais différente, ça m'a fait peur, j'ai tout gâché. On faisait la paire, on était perché. Si je la perds, je l'aurais cherché. d'hommes sincères, Dieu sait qu'on est seul. Et les fautifs se repassent la faute. Mais notre histoire est un trésor, enfermant la vérité. Symbole d'espoir laissé dans les cieux. Deux âmes sœurs, les yeux dans les yeux. Deux miroirs en face l'un de l'autre, reflétant l'éternité. Éclairé par le soleil couchant et la lumière de la lune à l'aube. Mes deux pieds sur deux plaques tectoniques qui s'éloignent l'une de l'autre. Quand tu as vu le jour, il pleuvait, ce monde tourna à l'enfer. Quand tu es parti, le ciel était rose et un poète est bleuté. Et celle aussi pleure après la dépression, je trouve l'idée précieuse. Il a de nous sous un nuage noir, les seules vraies réponses sont des questions. Comme la femme de Salomon, tu as adoré le soleil avant de rejoindre Dieu, avant de laisser mon âme seule au monde. À elle te fait renaître un jour, le lendemain t'achèves, suspendu à ses lèvres, j'ai de m'attacher la verte. Tes voeux sont pesants d'or, nos exemples sont trafiqués, ils en ont besoin peur, tout me semble sans gravité. T'attends la réussite des astres, t'attends la réussite des astres. Dans le ciel, je dessine les traits de ton visage, je relis les étoiles entre elles. Je peux pas seulement pour même passionnément, je pense de la connaître, c'est tout moi. Embrassez-moi comme elle sur le trou noir, c'est de plan sur la comète. Je suis une étoile filante, je laisse les traîner derrière moi. Une étoile filante, je les laisse me pointer du doigt. Les angoisses et ses messons, je se ressemble à s'y méprendre. Comment embrasser le son et ses méandres sans laisser mes cendres marder de ma neige. Dis-moi qui tient les manettes. Je ne crois que ma mère, le coup de cheval démarre dans ma tête. Et je sens mon malaise grandir de manière exponentielle. Ah, à l'air. Étoile explose en ciel. J'attends la réussite des astres. J'attends la réussite des astres. J'attends la réussite des astres. J'attends la réussite des astres. Le temps sincère, Dieu sait qu'on est seul. Et les fautifs se repassent la faute. Notre histoire est un trésor, enfermant la vérité. Symbole d'espoir laissé dans les cieux. Deux âmes sœurs, les yeux dans les yeux. Deux miroirs en face l'un de l'autre, reflétant l'éternité.